La charité. Dès le temps de son enfance, le roi fut pitoyable aux pauvres et aux malheureux. Et il était établi que partout où il allait, il eut constamment 120 pauvres nourris chaque jour en sa maison de pain, de vin, de viande ou de poisson. Pendant le carême et l'avent, leur nombre augmentait, et plusieurs fois il advint que le roi les servait lui-même, plaçait la nourriture devant eux, découpait leur viande devant eux, et, au départ, leur donnait des deniers de sa propre main. Aux grandes vigiles des fêtes solennelles, en particulier, il servait aux pauvres tous ses mets avant de manger et de boire lui-même. Avec tout cela, il avait chaque jour à dîner et à souper, auprès de lui, des vieillards et des infirmes, et leur faisait servir la même nourriture qu'à lui-même. Et quand ils avaient mangé, ils emportaient une certaine somme d'argent. En outre, le roi donnait chaque jour si grande et si large aux aumônes, aux religieux pauvres, aux hôpitaux pauvres, aux malades et aux autres collèges pauvres, aux gentilshommes, dames et demoiselles pauvres, aux femmes misérables, aux pauvres veuves, et aux indigents que la vieillesse ou la maladie empêchait de travailler et de continuer leur métier, qu'à peine en pourrait-on faire le compte. Nous pouvons donc bien dire qu'il fut plus heureux que Titus, l'empereur de Rome, dont les récits anciens racontent qu'il s'affligea terriblement et fut très désolé d'avoir laissé passer un jour sans accomplir aucune action charitable.